Chapitre 8e. Absence d'amusement public et particulier, église et chapelle, revival. Je n'ai jamais vu de peuple aussi dépourvu d'amusement que les habitants de Cincinnati. Les billards sont défendus par la loi, ainsi que les cartes. Dans l'état de l'Ohio, si un marchand vendait un paquet de cartes, il serait sujet à une amende de $50. Ils n'ont que 6 balles publiques pendant les fêtes de Noël. Ils ne connaissent point les concerts, pas plus que les dîners invités. Ils ont un théâtre, et c'est en vérité le seul amusement public de cette triste et petite ville. Mais ils semblent s'en soucier fort peu, et soit économie ou faute de goût, il est bien peu suivi. On y voit rarement des dames, et la plus grande partie des femmes pense qu'assister à une représentation théâtrale est une offense envers la religion. C'est dans les églises et dans les chapelles qu'on peut voir les dames de la ville dans toute leur élégance. Et je suis tenté de croire qu'un étranger, venant d'Europe, prendrait au premier abord ces lieux de dévotion pour les théâtres et les cafés de la ville. Il ne se passe pas de soirée dans la semaine où il n'y a foule dans les chapelles. Les plus jeunes et les plus belles s'y rendent vêtues avec goût, et souvent même avec de grandes prétentions. C'est là où l'on montre toute son élégance et que l'on cherche à se distinguer. Les hommes y vont assez rarement, mais souvent, comme on doit bien le penser, cette profusion de rubans et de boucles de cheveux est destinée à charmer les yeux de jeunes et brillants ecclésiastiques. Si ce n'était pour les églises, je crois que les femmes pourraient faire un feu de joie de leur chapeau, comme entièrement inutile. Les femmes sont trop occupées dans l'intérieur de leur maison pour se mettre complètement sous les armes dans leur visite du matin. Il n'y a ni jardin public, ni magasin à la mode où l'on puisse se montrer. Et sans la religion et le thé, toutes les dames de Cincinnati courraient risque de devenir de vraies cénobites. L'influence que les ministres des innombrables sectes religieuses répandues en Amérique exercent sur les femmes de leurs congrégations respectives peut se comparer à celle que les prêtres ont sur elles en Espagne et dans les pays catholiques. Les causes de cette influence sont faciles à démêler. Là où l'égalité des conditions est humblement reconnue par le riche et orgueilleusement réclamée par le pauvre, il ne reste de distinction que pour le clergé, et de prééminence que la sienne. Cela lui donne une haute importance aux yeux des femmes. D'une autre part, les Américains s'occupent si peu des femmes qu'elles ne reçoivent guère que du clergé, cette espèce d'attention qui est partout si précieuse à leur vanité. Cette importance qu'on leur accorde en Europe dans tous les rangs de la société, excepté peut-être dans le plus bas, elles ne l'ont guère en Amérique qu'aux yeux des prêtres. Et en échange, elles remettent à leur garde et leur cœur et leur âme. Je ne sache pas un pays au monde où la religion ait tant d'empire sur les femmes et si peu sur les hommes. Je ne veux pas conclure de là que je n'ai jamais rencontré d'homme qui ait une religion sincère ou de femme qui n'en ait point du tout, mais je suis parfaitement sûr d'avoir parlé vrai en général. Il n'y avait que peu de mois que nous étions à Cincinnati quand notre curiosité fut excitée par l'annonce d'un revival. On ne parlait plus d'autre chose dans la ville. Le revival sera très nombreux. Nous serons constamment engagés pendant le revival. Étaient des phrases que nous ne cessions d'entendre et que nous entendîmes longtemps sans les comprendre. J'appris à la fin de quoi il s'agissait. Les sectes américaines n'ayant point, comme la plupart de nos religions d'Europe, l'avantage d'être nationales, ont besoin, pour se soutenir, de ranimer de temps en temps le zèle et l'exaltation de leurs partisans. Tous les ans, à des époques fixes, les membres les plus ardents du clergé se mettent en route à cet effet et parcourent le pays. On voit ces missionnaires arriver dans les bourgs et dans les villes par douzaines ou par centaines selon l'importance du lieu, et y planter leurs tentes, tantôt pour 8 jours, tantôt pour 15, et quelquefois même, si la population est considérable, pour 1 mois. Durant cet intervalle, les journées tout entières et souvent la plus grande partie des nuits sont consacrés à des prédications et à des prières dans les différentes églises et chapelles du lieu. C'est là ce qu'on appelle un revival. Je n'ai rien épargné pour me procurer sur ce sujet des renseignements exacts, mais je crains bien d'être accusé d'exagération en rapportant ce que j'en ai appris. Tout ce que je puis faire, c'est de ne point mériter ce reproche. La matière est d'un haut intérêt et je ne me pardonnerai pas de la traiter avec légèreté. Ces prêtres ambulants appartiennent à toutes les croyances, excepté à celles des unitériens, des catholiques, des épiscopaux et des quakers. Presbytériens de toutes les espèces, baptistes de toutes les variétés, méthodistes de toutes les dénominations, participent à cet usage. Il n'y a pas de mémoire assez bonne pour retenir les simples noms de toutes ces sectes. Et l'on n'en finirait pas si l'on voulait expliquer toutes les nuances de ce christianisme à mille faces. Quoi qu'il en soit, ces missionnaires visitent successivement toutes les cités, tous les bourgs, tous les villages de l'Union. Je n'ai pu savoir d'une manière certaine l'intervalle qui sépare leurs visites. Ils logent en général dans les maisons de leurs coreligionnaires, et tant que dure leur station dans un lieu, toutes les soirées qui ne sont point employées à des prédications dans les églises et maisons publiques d'assemblée, ils les consacrent à ce que d'autres appelleraient des parties de plaisir, mais à ce qu'ils appellent, eux, des réunions pour la prière, prayer meetings. Ils y passent leur temps à manger, à boire, à prier, à chanter, à entendre des confessions et à convertir. Je n'ai jamais pu réussir à me faire inviter à ces réunions particulières. Mais les mystères m'en ont été révélés par un témoin oculaire parfaitement digne de foi. Et quand la moitié seulement de ce qu'il m'en a raconté serait vrai, ces réunions ne seraient pas la partie la moins curieuse, ni la moins importante du revival. Quand on rapproche les sentiments qui remplissent l'âme et la tête d'une dame méthodiste, qui a eu le bonheur de s'assurer pour son meeting d'un prédicateur célèbre, de ceux qui animent un bas bleu de Londres, qui a obtenu la promesse d'un poète à la mode pour sa soirée, il est impossible de ne pas sourire de la ressemblance. Le cœur humain est partout le même, et nous sommes toutes, pieuses ou mondaines, de la même famille. Les plus beaux appartements, les plus belles toilettes, les rafraîchissements les plus délicats, rien n'est épargné pour rendre le meeting aussi brillant que possible. Pendant que les personnes invitées arrivent, des conversations à demi-voix abrègent l'ennui de l'attente. Les personnes qui entrent sont saluées des noms de frères et de sœurs, et les démonstrations de bienvenue sont très tendres. Quand la chambre est pleine, la compagnie, qui est toujours composée en très grande majorité de femmes, prend place et s'assied. Alors commencent, de la part des ministres, les invitations tour à tour les plus véhémentes et les plus douces, les plus sévères et les plus caressantes aux frères et aux sœurs, de confesser devant leurs sœurs et leurs frères toutes leurs pensées, toutes leurs fautes, toutes leurs folies. Ces confessions sont d'étranges scènes. Comme les fautes avouées en font l'intérêt, plus on avoue, plus on est encouragé et caressé. Lorsqu'elles sont terminées, tout le monde s'agenouille et le prêtre improvise une prière, après quoi on mange et on boit. Les chants, les hymnes, les prières recommencent de nouveau. Puis viennent les exhortations, puis encore la prière et le chant, jusqu'à ce que l'exaltation des assistants atteigne enfin le plus haut degré d'énergie. Telles sont les scènes qui se passent chaque soir, tantôt dans une maison, tantôt dans une autre, aussi longtemps que dure le revival. Souvent même, elles ont lieu simultanément dans plusieurs, car les églises ne peuvent donner de l'occupation à la moitié des missionnaires, bien qu'elles demeurent ouvertes toute la journée et une partie de la nuit, et que les ministres s'y succèdent l'un à l'autre sans interruption. Ce fut dans la principale des églises presbytériennes de Cincinnati que je fus deux fois témoin des hideuses scènes que je vais décrire. Chaque jour les ramène avec une parfaite uniformité. Qui connaît l'une de ces représentations les connaît toutes. Nous étions au milieu de l'été, mais le service auquel on nous avait prié d'assister ne devait pas commencer avant la nuit. Le temple était bien éclairé, et il y avait un concours de monde à n'y pas tenir. Nous aperçûmes en entrant trois prêtres debout et rangés côte à côte dans une espèce de tribune élevée à l'endroit où se trouve ordinairement l'autel. Cette tribune, qui ressemblait aux chairs de nos temples, était ornée de draperies cramoisies. Nous prîmes place sur un banc qui se trouvait tout auprès de la balustrade qui l'entourait. Le prêtre qui était au milieu priait. La prière était d'une extravagante véhémence et d'une familiarité d'expression choquante. Après la prière, il chanta un hymne, et ensuite un autre prêtre se mit au milieu et commença à prêcher. Il déploya dans son sermon une éloquence rare, mais le sujet qu'il avait choisi était affreux. Il décrivit avec une excessive minutie les derniers et tristes moments de la vie humaine. Ensuite, il peignit les changements affreux que le corps subit graduellement après la mort, et il arriva au tableau de la décomposition. Tout à coup, le ton de son discours, qui jusque-là avait été celui d'une description exacte et simple, changea. Il fit entendre une voix aigre et perçante, et penchant la tête en avant comme pour fixer ses regards sur un objet qui se trouvait au-dessous de la tribune, et comme Rebecca fait connaître à Yvonne Noé ce qu'elle voit à travers la fenêtre, le prédicateur nous fit connaître ce qu'il apercevait dans les profondeurs qui semblaient ouvertes devant lui. C'était, comme on voit, une heureuse invention pour frapper les esprits faibles par la description de l'enfer. De toutes les images que peuvent fournir le feu, la flamme, le soufre, le plomb fondu, les fourches rougies faisant palpiter des nerfs, des membres, des chairs, aucune ne fut oubliée par le prédicateur. Il suait à grosses gouttes, ses yeux roulaient avec horreur, ses lèvres étaient couvertes d'écume, et chacun de ses traits respirait la profonde terreur qu'il aurait ressentie s'il eût réellement été témoin de la scène qu'il décrivait. Le jeu de l'acteur fut parfait. Enfin, il jeta sur ses deux assistants à droite et à gauche un regard languissant où se peignait sa faiblesse. Il s'assit et essuya la sueur qui inondait son visage. En ce moment, les deux autres prêtres se levèrent et entonnèrent un hymne. Tous les assistants, le visage couvert de la pâleur de la mort, étaient frappés de stupeur, et ce ne fut que quelques instants après qu'ils purent tenir leur voix à celle des prêtres. Lorsque les chants eurent cessé, un autre prêtre occupa la place du milieu, et d'une voix douce et pleine d'affection, il demanda aux fidèles si ce qu'avait dit son frère était arrivé jusqu'à leur cœur, s'ils désiraient éviter l'enfer qu'il leur avait fait voir. « S'il en est ainsi, venez, » continua-t-il en étendant les bras vers les assistants. « Venez à nous, et nous vous montrerons Jésus, le doux et bien-aimé Jésus, qui vous délivrera de l'enfer. Mais il faut que vous veniez à lui. Vous ne devez point avoir honte de venir. Cette nuit, vous direz au doux Jésus que vous ne rougissez pas de lui. Nous allons vous ouvrir le chemin. Les bancs destinés aux pécheurs inquiets vont vous être ouverts. Venez donc, venez vous asseoir sur le banc d'anxiété, Anxious Bench, et nous vous ferons voir Jésus. Venez, venez, venez !» On entonna un hymne, et alors un des prêtres fit évacuer un ou deux bancs qui longeaient la balustrade et renvoya au fond de l'église ceux qui s'y étaient assis. Les chants ayant cessé, un des trois prêtres exhorta encore les assistants à ne point rougir de Jésus, les invita à venir prendre place sur le banc d'anxiété et reposer leur tête sur son sein. « Nous allons chanter encore un hymne, » continua le prêtre, « afin de vous donner tout le temps de vous résoudre. » Et les chants recommencèrent. En ce moment, dans toutes les parties du temple, il se fit un mouvement léger d'abord, mais qui prit par degrés un caractère plus décidé. De jeunes filles se levèrent, s'assirent, puis se levèrent de nouveau. Alors, les portes des bancs s'ouvrirent, et l'on vit s'avancer en chancelant plusieurs jeunes filles, les mains jointes, la tête penchée sur la poitrine et tremblant de tous leurs membres. Les chants continuaient toujours. Ces pauvres créatures approchèrent des bancs, et leurs sanglots et leurs gémissements commencèrent à se faire entendre. Elles s'assirent sur les bancs d'anxiété. L'hymne fut suspendu, et deux prêtres, descendant de la tribune, s'avancèrent l'un à droite, l'autre à gauche du banc, et murmuraient des paroles à l'oreille des jeunes filles qui tremblaient toujours. Ces paroles n'arrivaient point jusqu'à nous, mais en ce moment les cris et les sanglots s'accrurent d'une manière horrible. Ces faibles créatures, les traits altérés et couverts de pâleur, tombèrent à genoux sur les dalles, et bientôt leur visage alla frapper la terre. Des cris et des gémissements extraordinaires se faisaient entendre, et de temps en temps une voix s'écriait avec des accents convulsifs « Oh Jésus, Jésus, mon sauveur, venez à mon secours !» et d'autres choses semblables. Cependant, les deux prêtres continuaient à parler bas aux jeunes filles. De temps en temps, ils montaient sur les bancs et ils annonçaient à l'auditoire de toute la force de leurs poumons que l'opération du salut s'accomplissait. Et alors, de toutes les parties de l'église s'élevaient ces cris brefs et perçants « Amen, gloire, Amen !» pendant que les pénitentes, presque étendues sur le pavé, continuaient à recevoir des exhortations murmurées à leur oreille et de temps en temps des caresses mystiques. Il faut le dire, plus d'une fois je vis le bras du prêtre passer autour du cou d'une jeune fille. Un grand nombre de ces créatures étaient en proie à d'horribles convulsions, et quand le tumulte fut parvenu à son plus haut point, le prêtre, qui était resté à la tribune, entonna un hymne d'une voix forte, comme pour essayer de couvrir les cris des pénitentes. C'était un spectacle horrible de voir ces pauvres filles, à peine au matin de la vie, frappées de terreur, livrées à d'affreuses convulsions, affaiblies et énervées pour toujours. Je remarquai une de ces faibles créatures, qui ne devait pas avoir plus de 14 ans, soutenu dans les bras de ses compagnes plus âgées. Son visage était couvert de la pâleur de la mort, ses yeux hagards étaient privés de tout sentiment, et des flots d'écume ruisselaient sur son menton et sur sa poitrine. Sur tous ses traits étaient empreintes les apparences d'un idiotisme complet. Un prêtre s'approcha, et prenant la main délicate de cette convulsionnaire, « Jésus est avec elle, Dieu soit béni, » dit-il froidement, et il passa. Si les Américains estimaient leurs femmes comme il convient que les hommes estiment leurs épouses et leurs filles, souffriraient-ils chez eux des scènes si profanes, si scandaleuses? Est-il nécessaire de dire que les femmes seules obéirent à l'appel des prêtres et vinrent s'asseoir sur les bancs d'anxiété et que la plus grande partie était de très jeunes femmes? La congrégation avait revêtu ce jour-là ses habits de fête, et les dames les plus jolies et les plus élégantes de la ville assistaient à cette indigne cérémonie. Pendant toute l'époque du Revival, un immense concours de monde afflue toujours dans les temples. Tels sont les plaisirs des dames de Cincinnati. Il est défendu d'aller au spectacle. Les jeux de cartes sont interdits, et comme elles travaillent assidûment dans leur maison, elles ont besoin cependant de distraction. Pour mon compte, je suis d'avis que la plus méchante comédie qui ait jamais été écrite offre moins de danger à la jeunesse et à l'innocence que la vue de la scène que je viens de décrire.